On va parler de jeux vidéo avec notre ami René Cadieu. Depuis une semaine, l'MB de Show est maintenant sur le marché. Salut René! Salut, salut tout le monde. Ça va bien, ça va bien. René, écoute, l'MB de Show, Ouais. c'est le meilleur jeu vidéo, moi je trouve, de sport, tout jeu, tout sport confondu, là, avec NBA 2K. Et cette année, ben, j'ai joué une partie à date, là. Puis je suis encore ma PS4. Donc, d'abord, c'est une grosse différence entre la PS5 et la PS4. Honnêtement, ben, côté animation, côté temps de chargement, côté visuel, ils sont quand même assez proches. Pour comparer, j'ai une PS4 Pro, puis le visuel est quand même. Il n'y a pas quand même envie grand-chose à PS5. Là, c'est pas le changement radical qui se passe d'un à l'autre. Vous n'allez pas faire comme ailleurs, c'est vraiment plus malade. Là. Oui, il y a plus de détails côté. Personnage, la fluidité, ça va à 60 images secondes. Fait que, oui, à ce niveau-là, il y a des changements, mais c'est pas des changements de défoncés qui vont faire qu'il faut absolument que tu aies cherché un PS5 pour jouer à MLB The Show. Là, donc, c'est un jeu qui est un peu sélorier cette année. T'sais, on a une version descente, c'est intéressant, c'est un jeu intéressant, mais cette année, la grosse nouveauté, c'est même pas au niveau de la jouabilité ou du jeu, c'est au niveau du... qui ont fait une version Switch parce que la MLB il y a quelques années avait demandé à Sony d'abandonner le projet d'être les seuls dessus. Ils voulaient avoir des revenus, avoir de l'argent, fait qu'ils ont décidé de mettre des versions. Ben, c'est pour ça qu'on avait apparaître sur Xbox. Puis là, ben, cette année, c'est sur Switch que ça apparaît aussi. Fait qu'on a une version Switch cette année. Celle-là, c'est oui, si on passe cette version-là, on va voir un ralentissement des images de 30. C'est le taux d'image, le rafraîchissement d'image, ça apparaît plus. Le côté visuel, ça apparaît un peu plus, mais ça reste quand même un jeu décent qu'on joue sur n'importe quelle plateforme. Là. Ça reste un jeu intéressant qu'on va avoir du fun à y jouer, peu importe où on y joue. Mais c'est sûr que si on en revient à la version PlayStation 4, PS5, le jeu, on a un jeu quand même complet de baseball aussi qu'on va avoir du fun à jouer avec. Et tous les modes sont là, reviennent. On a peaufiné certains modes. Le mode Road to the Show est amélioré un petit peu des ajouts au niveau de... Quand on donne les points, on fait le même, on fait l'émission, on va pouvoir parler plus. C'est sûr que on met encore l'emphase sur le joueur de ben, toué qui appelle en anglais, le joueur ouais. de facettes, là, le genre Tammy. Donc on va nous inciter à être lanceur ou et frappeur en même temps, et ainsi de suite. Mais tu sais, au fur et à mesure qu'on va pouvoir débloquer, on va pouvoir choisir si on veut juste être un joueur de terrain, ainsi de suite. Okay. Tu sais, ça reste un jeu correct avec beaucoup de modes de jeu, mais tu sais, beaucoup. Quand même cher payé. T'sais, le 10$, mettons, de différence entre la version PS5 et PS4, je te dirais, il vaut pas vraiment le coup. Puis la meilleure option pour y jouer, c'est sûr que, mettons, qu'ils ont une Xbox, c'est d'aller chercher le Xbox Game Pass. Là, c'est sûr que ça, c'est un, tu sais, on prêche beaucoup pour ça ces temps-ci parce que ça coûte une 7$ à peu près par année pour le gros package, genre la version ultime qu'on peut jouer à des jeux EA aussi. Mais le jeu MLB The Show est dessus le Game Pass. Ceux qui sont abonnés à ça peuvent y jouer gratuitement à la version de cette année. L'année passée, il était aussi. Mais cette année, il y a encore. Fait qu'on peut encore jouer à la version à de show. Là, je trouve que personnellement qu'il y a un petit. Je le trouve un peu plus lent sur Xbox que sur PlayStation. Okay. Mais c'est mon feeling à moi. Le jeu est jouable et amusant pareil. Là. C'est juste que quand j'avais joué sur Xbox, j'avais joué sur un ami sur un projecteur. Fait que c'est-tu le fait du projecteur qui me donnait l'impression que la balle rentrait moins vite que sur PlayStation. D'après moi, c'est plus ça. Ça doit être sensiblement le même jeu. Je pense pas qu'il ait downgradé le jeu, ben, qu'il ait mis le jeu plus moins bon pour le mettre sur Xbox. Là, il se serait tapé ses doigts par la Ligue nationale de baseball, puis il serait juste coupé ses droits à force. Fait que, pour ça, je te dis, on va faire 3 produits décents sur chaque console. Mais oui, si vous jouez sur un écran de une grosse écran, ça se peut que vous voyez une petite différence, là, mais sinon le jeu reste un très bon jeu de baseball encore cette année, mais malheureusement, c'est ça. On manque de nouveautés. Pour le prix qu'on paye, il n'y a pas grand-chose. Cette année, on n'a pas payé des mises à jour, des affaires de même, nous charger 40$, puis... Donc, t'es-tu en train de me dire que pour les jeux de sport, c'est... Parce que moi, là, je suis en train de changer, là. Je vais probablement changer cette année, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de jeux de vidéo de la PS4, là. Pour encore tant aussi longtemps que tu peux toffer, t'es aussi bien de toffer avec la PS4. Ben, si tu joues juste à des jeux de sport, oui, il y a un changement. Les changements sont au niveau de Madden et grosses bebelles comme ça. Sony, comme je te dis, cette année, je sais pas si c'est à cause du COVID, à cause d'un paquet de trucs, je sais pas où qui a été. Il y avait un moteur décent l'année passée. T'sais, le moteur est là. Pour ça, je te dis, oui, il y a une différence visuelle entre les deux, mais elle n'est pas à tout casser. C'est pas un changement qui fait comme, aïe, aïe, ça. Il faut que j'aille dépenser le 500, le 700 $ tout de suite demain matin pour y jouer. Mais si on en a une, oui, on voit la différence. Oui, c'est plus beau sur PS5, mais pour l'expérience de jeu, en tant que tel, ça vaut pas vraiment la peine de dire je vais dépenser 500 $ juste pour MLB. Là. Ouais. Si tu joues vraiment juste à MLB, ça vaut pas la peine. Quand tu passes avec les Madden, les affaires de même, oui, eux aussi sont améliorés. Les façons de jouer, c'est amélioré sur console PS5, le NHL. Aussi, c'est améliorer ces nouvelles consoles, mais c'est pas encore là que tu vas voir le gros changement. Surtout avec la COVID qui est là, on dirait que les développeurs ont peur de mettre tout leur donc, la PS4 risque d'être NHL, Madden, puis tout ça, ça risque d'être encore là au moins un an? Ah oui, il va y avoir une version d'après moi l'année prochaine encore. Ils ont de la misère à vendre des PS5 ou des... Ben, pas à vendre, mais d'avoir des Xbox. À cause des micro-puces? Ben, ça, ouais, il y en a encore à cause de ça. C'est encore un. Les compagnies en fabriquent moins, mais aussitôt qu'il y en a aujourd'hui, il y en a un qui a annoncé qu'il y avait 5 PlayStation à Saint-Jérôme, puis je pense en moins d'une heure, il était parti. Là, ça part vite. Quand il y en a, ça part vite. La même chose, Xbox reste un peu plus longtemps sur le plancher, mais ça part aussi vite. Puis, fait que, c'est pour ça que les compagnies ont encore peur de dire bon, on va faire juste le changement pour aller juste en version next-gen, qui appelle la version Xbox Series puis PS5, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vont jouer. T'sais, si tu veux vendre ton jeu, en vendre beaucoup, t'as tellement un grand marché PS4, quand même un bon marché Xbox, que ça vaut pas la peine nécessairement de dire, bon, faire le changement demain matin. Ben, c'est surtout pour NCAA, là, l'année prochaine. C'est tellement aimé ça, là. C'est encore plus fun que NCAA, que Madden NCAA. Donc, ça risque d'être ben, sur, là. Ça va sortir en 2023, je pense, c'est ça? La dernière fois qu'on a entendu parler, il disait 2022, mais la première va être 2023. Facile, là, puis... Ah non, je me mélange avec l'autre jeu de football. Oui, NCAA, il est pas encore... Ils sont loin encore de donner des dates, là. Ils ont dit qu'il allait repris la franchise, qu'il allait travailler là-dessus. Mais, tu sais, il y a un autre jeu de football, j'oublie le nom, là, chose football. Je me rappelle plus du nom, mais j'ai vu ça passer dans les... sur le store de la Xbox, je pense que c'est NC, quelque chose football. En tout cas, c'est un jeu de football un peu plus moins gros budget, là, mais c'est rien comparé à un Madden. Là, c'est beaucoup plus fun de jouer un Madden. Oui, mais remarque que Madden, ça commence à plafonner par du solide, là. Ouais, ben, je te dirais que c'est le problème avec MLB de Show. Les deux jeux restent des très bonnes expériences quand même, mais comparé à l'année passée, est-ce que ça a valu la peine de faire le changement? Absolument. C'est oui pour avoir les nouveaux joueurs, les nouvelles facettes, mais c'est ça. Les line-up à jour et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas un gros changement. On rajoute un mode spécial, on rajoute de quoi de spécial qui fait comme, je peux pas cracher, je peux pas absolument passer mon tour. Oui, il y a des changements au niveau des contrôles. On a ramené le pro analogue, les affaires de même. Au niveau des contrôles, les petits changements. Mais encore là, ça vaut aussi la peine de redépenser un 80 $ si, c'est ça. Fait que, ça reste ambigu. C'est une bonne expérience de baseball, mais, il manque un petit quelque chose. Il y a sur PS5, je ne sais pas si ça le fait sur PS4, je ne l'ai pas vu. Sur PS5, des fois, je joue à mon Road to the Show, là, c'est le concret de notre personnage, on avance dans notre carrière. Puis des fois, j'ai des jeux à faire, mettons, un relais au deuxième but, puis j'ai mis le catcher, puis l'écran devient noir. Puis j'entends le son, mais je vois plus rien. Après ça, ça revient. Est-ce que c'est un bug juste dans ma version PS5, ou est-ce que c'est un bug qu'on voit partout? Est-ce que ça se fait sur les autres consoles? Je ne l'ai pas remarqué encore... ça me tentait pas de repartir une carrière sur Xbox pour pouvoir voir juste cet état-là, mais c'est juste ce bug-là sur PS5. Des fois, il y a des jeux que mon écran devient juste noir, le son continue, mais on dirait qu'il y a la misère à afficher ce que je veux afficher, puis ça marche pas. Puis j'ai pas de problème avec d'autres jeux, fait que ça vient pas de ma machine, là, c'est vraiment au niveau du jeu. Fait que est-ce que c'est juste une niaiserie qui est dedans? Faudrait que j'efface puis je remette mon jeu à jour. C'est peut-être juste ça, peut-être une mise à jour qui s'est mal faite puis ça a bugué quelque chose, mais. Tu sais, c'est achetant pour dire que tu vas payer 90 $ pour avoir un jeu de même. Mais tu sais, ta question, oui, je m'achète sur un Xbox, un Xbox Series, oui, je te dirais, pour le Game Pass avec tous les jeux que tu vas avoir, là. Mais si c'est juste pour MLB, demain matin, je te dirais, tu peux attendre, là. Quelqu'un qui veut dire, je peux faire le changement, je joue juste à des jeux de sport, est-ce que je fais le changement pour une nouvelle console? Tu sais, au niveau des contrôles, il y a même pas, on n'utilise même pas plus la manette, le gros changement d'une PS5, c'est la manette. C'est à ce niveau-là qu'on sent le plus de changements quand on alterne entre les deux consoles. Puis, on n'utilise même pas la capacité de la manette. Là. On contrôle. Toi, tu me l'avais dit que la PS4, Tu me l'as dit souvent que la PS4 n'était pas développée à pleine profusion. Donc, c'est pas surprenant, là. Non, mais c'est ça. La PS4, elle s'en vient quand même 18. Ils mettent moins d'efforts, les développeurs vont mettre moins d'efforts là-dessus au fur et à mesure que ça allait. Mais d'après moi, on est encore correct. D'après moi, MLB 23 va encore être ces deux consoles, en moins qu'ils décideraient d'un changement radical. D'après moi, on a encore un an de lousse là-dessus parce qu'ils n'ont rien annoncé qu'ils n'en faisaient plus sur PS4. Puis comme je te dis, le but de la Ligue nationale, c'est de l'avoir sur plus de consoles. Puis, c'est pas tout le monde qui va dire l'année prochaine, bon, ben, je m'en vais me chercher une PS5. Fait que, d'après moi, la Ligue va continuer à pousser pour que ça aille sur toutes les consoles encore. Fait qu'encore là, c'est pas perdu. Puis un jeu, comme je te dis, admettons que tu achèterais demain matin ou que tu n'as pas un gros budget, tu veux dire, je veux m'en aller une next-gen absolument, t'en vas te chercher une Xbox Series S, qui est le rapport qualité-prix, si on veut, de Microsoft. Là, je pense qu'il y a 3,80, puis ça te donne un peu l'accès à next-gen. T'as pas possibilité de mettre le Game Pass dessus, fait que tu peux jouer à MLB là-dessus, puis tu peux jouer, tu peux quasiment jouer sur ton cellulaire grâce au Game Pass à cause du, je crois qu'il est en cloud gaming, là, ou en tout cas, sur le Game Pass, on peut y jouer sur notre cellulaire sur certains jeux. Fait que ça reste une approche intéressante, mais je te dirais que faire le changement demain matin pour aller d'une PS5 pour aller jouer à MLB de show, ça vaut pas la peine. Tu peux encore un peu. Puis comme je te dis, d'après moi, la 2023, tu vas en avoir. Donc, René, tu donnes combien en terminant pour MLB de show sur PS5 et PS4? Comme je disais tantôt, vu que le jeu n'est pas vraiment changé de l'année passée, vu qu'on manque de nouveautés, vu que l'expérience de jeu reste quand même intéressante, mais quand même limitée, je te dirais un bon 7.5 sur 10 quand même. On a du plaisir. C'est quand même un jeu de baseball qui vaut à peine. Si on l'avait pas l'année passée, ça vaut à peine de l'acheter. Mais oui, si on s'attend à des gros changements, des grosses nouveautés, on les trouvera pas dans cette version-là. C'est une version correcte qui fait la job, mais on n'en donne pas bien plus que le client demande. OK. Ben, on se reparle à la sortie d'un prochain jeu vidéo. Parfait. Notre ami René Cadieux qui nous parlait de game-focus.com, la référence des jeux vidéo au Québec.